Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 15. Des vices opposés aux dons de science et d'intelligence. De l'aveuglement de l'esprit, et de l'hébétation. Ces vices proviennent de la luxure et de la gourmandise. 1. L'aveuglement de l'esprit est-il un péché ? Il y a en nous un triple principe de lumière intellectuelle. Nous avons, en premier lieu, la lumière de la raison naturelle qui appartient essentiellement à notre âme raisonnable. Nous n'en sommes jamais privés radicalement, quoique le désordre de nos puissances inférieures, nécessaires pour comprendre, empêche quelquefois notre esprit d'entrer en exercice, comme il arrive dans les insensés, dans les fous et dans ceux qui dorment. Un tel aveuglement, quand il est le résultat d'une cause naturelle, est toujours excusé de péché. Nous avons une autre lumière habituelle surajoutée à la raison, celle de la grâce. Notre esprit en est quelquefois privé par punition, selon cette parole du sage, leur malice a été cause de leur aveuglement. Sagesse 11, 21. Il y a là un châtiment. Nous avons enfin, pour troisième principe de lumière intellectuelle, les vérités par lesquelles Dieu nous éclaire, et auxquelles notre esprit est libre de s'appliquer ou de ne pas s'appliquer. Or il arrive de deux manières qu'il ne s'y applique pas, ou parce qu'il veut s'en détourner avec intention, comme l'indique le psalmiste dans le passage suivant, il n'a pas voulu comprendre, de peur de bien agir, Psaume 35, 4, ou parce qu'il s'occupe d'autres objets qu'il aime davantage, et qui, le captivant, le détourne de la vérité, suivant ses autres paroles, le feu de la concupiscence est tombé sur eux, ils n'ont pas vu le soleil. Psaume 67, 9. Dans ces deux cas, l'aveuglement de l'esprit est un péché. 2. L'hébétation du sens est-elle un autre péché que l'aveuglement de l'esprit? L'hébétation, que Saint Grégoire attribue à la gourmandise, consiste dans une certaine faiblesse d'esprit touchant la contemplation des biens spirituels, au lieu que l'aveuglement de l'esprit, effet propre de la luxure, implique la privation totale de leur connaissance. Elle est un péché, au même titre que l'aveuglement de l'esprit, en tant qu'elle est volontaire. Ces deux vices sont opposés au don d'intelligence. 3. L'hébétation du sens et l'aveuglement de l'esprit sont-ils l'effet des péchés charnels ? L'aveuglement de l'esprit et l'hébétation du sens proviennent de la luxure et de la gourmandise, vices charnels qui, absorbant l'intelligence dans les choses matérielles, la rend peu disposée à s'occuper du monde intelligible. Les plaisirs impurs agissant encore plus violemment sur l'âme que ceux de la bonne chair, l'aveuglement, qui ôte entièrement la connaissance des biens spirituels, est leur effet propre, tandis que l'hébétation du sens, par laquelle un homme devient moins apte à les connaître, a pour cause la gourmandise. Par une raison contraire, l'abstinence et la chasteté sont très favorables aux opérations intellectuelles. Dieu donne à ses enfants, nous dit l'Esprit Saint, la science de tous les livres et de toute la sagesse. Daniel 1, 17. Note. Les hommes esclaves des vices charnels s'élèvent parfois à des considérations subtiles sur les choses intellectuelles, à raison des dispositions naturelles de leur esprit ou d'une habitude acquise. Il est impossible néanmoins que les plaisirs de la chair n'éloignent pas très souvent leur esprit des hautes régions de la pensée. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.